crunchy girl. Le refrain. Yeah. Mais du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration, ouvrant son poste de télévision. L'amour après un scandale, la vie des autres qui s'étale. Et finalement, le moine pire en banal finira par trouver ça normal. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. Mais finalement le moins pire en banal, on finira par trouver ça normal. On met du vieux pain sur son balcon, on va tirer les moines dans les pigeons. Elle vit sa vie par procuration, dans son poste de télévision. Elle apprend dans la presse un scandale, la vie des autres qui s'étale. Mais finalement, on est en banal, on ne va pas trouver ça normal. Allez Fred, allez. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. Elle apprend dans la presse un scandale, la vie des autres qui s'étale. Elle finalement de moins pire en banal, on finira par trouver ça normal. Il met du vieux pain sur son balcon en Belgique pour attirer les moineaux, les pigeons. Il vit sa vie par procuration en Belgique devant son poste de télévision. Il apprend la presse un scandale, la vie des autres qui s'étale. Mais finalement, le moins pire en banal, trouver ça normal. Fredo.